J'ai mon cœur qui me fait mal, me pique sans cesse et m'envoie dans l'artère de mon cou. Un mal qui se propage à ma tête, dans mon cerveau, me fait des à-coups aux yeux, des aiguilles dans la poitrine et des pressions dans la tête. Suis-je en train de décrépir? Suis-je en train de rêver? Ou bien inconscient, je me tais? Je nierai la passion et les amours fugaces. Je ne prendrai part à aucun fond. Je ne donnerai participer.